Salut à toi qui passe tout l'été à chauffer tes dés et qui te retrouve invité à une partie d'ambre. Bienvenue sur les podcasts Outsider Game Design Jeux de rôle. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un défi hein, qu'il y a en ligne sur le RPG E-Day 2018. Voilà, donc j'ai cédé un petit peu à la hype et j'ai prévu de me plier un petit peu à cet exercice. Donc, qu'est-ce que c'est le RPG Day? En fait, c'est un défi qui existe déjà depuis quelques années, qui arrive au mois d'août. Et grosso modo, tu as une trentaine de questions sur le jeu de rôle. Et tu es censé répondre à une question par jour de façon un peu publique. Hein. Ça peut être sous forme de blog, sous forme de vlog ou de podcast. Tu peux faire une par jour ou comme là, je vais essayer de faire plutôt tout en bloc. Et donc c'est un projet anglophone au départ, mais donc Mélissandre de la Sens, qu'on salue, a mis en ligne sur son blog des mille et des cents. Elle a mis en ligne la traduction du questionnaire RPG E-Day. Et donc voilà, je vais pouvoir m'en servir pour répondre même aux questions. Et on va commencer avec la question numéro 1. Qu'est-ce que vous aimez à propos des jeux de rôle? Alors, Mélissande, encore merci pour la traduction. Voilà, très dynamique, Mélissande, elle fait plein de trucs. Et notamment ce petit projet-là. Bah, qu'est-ce que j'aime à propos des jeux de rôle? Je dirais qu'ils permettent trois choses en même temps. Ils offrent du jeu, ils offrent une expérience et ils offrent de l'art, quoi. Donc, ils permettent de faire les trois, vivre une expérience, jouer et faire de l'art. Dans des proportions qui moi m'intéressent, ou en tout cas que je peux modifier à ma préférence. La question numéro 2, c'est quelle est la première chose que vous espérez voir dans un jeu de rôle? La première chose que j'espère voir dans un jeu de rôle, je suppose que ça veut. Une ambiance, une identité. Qu'est-ce qui donne à un jeu l'envie de le poursuivre sur une longue période? Bah, concrètement, il faut que le jeu soit profond. Alors, je vous renvoie au podcast que j'avais fait, Intensité et Profondeur, avec un article associé. Je ne vais pas refaire le podcast, évidemment. Je dirais, mais bon, du coup, pour qu'un jeu soit profond et donc donne envie d'y jouer plusieurs fois, enfin, lui donne une rejouabilité, il faut qu'il y ait. Soit plusieurs gameplays en même temps, soit des gameplays différents qui se succèdent dans le temps. Voilà, il faut. Je pense qu'il faut que le propos du jeu soit pas simpliste, voire même qu'il soit multiple. Voilà, qu'il offre matière à réflexion, à exploration, eh ben, sur le long terme, quoi, qu'on soit surpris. Qu'il y ait des choses nouvelles, qu'il y ait des choses qui soient revues plusieurs fois sous un angle différent. Alors, PNJ le plus mémorable, c'était un PNJ dans une partie d'une Forenza Minima que j'avais faite pour la cellule. La partie s'appelle, de mémoire, s'appelle la photographie. Et ce PNJ était mémorable parce que, en fait, clairement, je m'y étais identifié jusqu'à vraiment l'incarner comme un personnage joueur. Hein, donc, c'était moi le MJ. Et à tel point que je lui ai fait obéir aux mêmes règles que les personnages joueurs. Ce qui n'est pas la norme du tout dans ce jeu. En l'occurrence, le jeu, c'était une Forenza Minima. Et donc, ce personnage s'appelait Feuille. C'était. Un gamin qui avait subi la radioactivité, ça se passait près de Tchernobyl, dans le futur post-apo de Milvaux. Il avait subi la radioactivité, ce qui fait que c'était un gamin, mais il avait une apparence un peu comme la progéria, enfin il était ridé comme un centenaire, quoi. Et en fait, il s'est noué d'amitié avec un des personnages joueurs. Mais en même temps, il s'avérait qu'il voulait se venger de lui parce que ce personnage-là, on a découvert qu'il l'avait abandonné, c'est pour ça qu'il avait subi la radioactivité. Et pour se venger, il était allé jusqu'à épiloguer son espérance de vie, en fait, pour se venger de l'autre. Et finalement, si tu veux, ils sont morts tous les deux en jouant un dernier match de baseball, quoi. Grosso modo, ils se réconcilient et sachant qu'ils vont mourir après à cause de ce projet de vengeance. C'est une des rares fois où j'ai pleuré en étant le MJ, quoi. C'était vraiment, voilà, une partie très très mémorable qui est dans mon top of all times de toute façon. Un PNJ récurrent favori. Ah. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas eu parce que je fais quand même essentiellement des one shot ou des campagnes très courtes. Donc du coup, je vais citer un PNJ d'une vieille campagne, la campagne de Warhammer Quest. Le PNJ s'appelait Ascadrine. C'était une espèce de sorcier, un petit sorcier malingre. Au début, que les PJ le rencontrent, il est vraiment nul, quoi. Et en fait, ce qui est prévu, puisque c'était une campagne relativement scriptée, enfin c'était une campagne dont c'était toute une série de donjons à faire. Et grosso modo, il échappait toujours à la lame des PJ parce qu'il avait un sort de téléportation qui l'usait à l'envi. Et donc du coup on n'arrête pas de le suivre et au fur et à mesure il gagne en puissance et il devient carrément le maître du donjon quoi, hein. Alors qu'au départ c'est vraiment vraiment un subalterne. Donc bon c'est vrai que c'est des grosses ficelles mais du coup c'est vraiment un personnage qu'on déteste quoi, et donc du coup effectivement la confrontation finale avec ce personnage qui n'est pas sauvé au final, hein, on peut vraiment le tuer, est d'autant plus croustillante quoi. Bon, en plus de ça, il avait une histoire d'amour avec une sorcière et tout, donc il avait un petit, ça lui donnait un petit côté humain quoi. Bon voilà, c'était alors clairement hein, c'est une campagne de mon jeune temps, hein, de mes années lycée, si ma mémoire est bonne. Clairement, ce personnage, c'était vraiment une Marissou. Hein, voilà, il avait une immunité narrative scénaristique qu'on pourrait qualifier de complètement abusée. Mais bon, voilà, bah écoutez, je l'aimais bien, c'est comme ça. Et je l'aime toujours. De quelle façon les joueuses peuvent-elles aider à rendre un monde plus vivant? Ah bah, tout simplement en décrivant leur rôle dans ce monde, en décrivant des parties du monde, des rumeurs qu'elles ont entendues, en interagissant avec les figurants, quoi, en faisant des projets comme construire une maison, restaurer la démocratie au sein d'un village, ainsi de suite, quoi, s'ancrer en fait. À travers le personnage et aussi à travers tout le pouvoir de narration qu'elle puisse prendre. De quelle façon AMJ peut-il rendre les enjeux les plus importants? Clairement en les liant aux préoccupations des personnages et des joueuses. Et en ne faisant aucun cadeau aux joueuses. Enfin, voilà. Soyez cruel avec les joueuses. Mais pas cruel au point de leur accorder aucune victoire, quoi. Mais chaque victoire va coûter des larmes de sang. Comment faire pour attirer plus de joueurs dans le hobby? Continuez à jouer. Être présent dans des lieux de sociabilité. Jouer dans des bistrots par exemple, proposer une diversité de jeux, hein. Parce que je suis persuadé qu'on peut encore gagner énormément de joueuses avec Donjons et Dragons, mais on en gagnera aussi d'autres en proposant d'autres trucs. Alors bon, vous allez me dire qu'il y a déjà une offre pléthorique dans tous les domaines, mais continuez quoi, hein. Moi je suis par exemple. Je trouve génial par exemple la sortie de Good Society qui permet de jouer de la littérature anglaise du 19e siècle, quoi. Ça vient enrichir encore l'offre, quoi. Oui, c'est pouet-pouet, hein. Mais c'est juste une diversification comme une autre. Et puis évidemment aussi penser inclusif, quoi. Penser à l'inclusion, c'est important. De quelle façon un jeu vous a-t-il surpris? Je crois que pour me surprendre, un jeu qui me surprendrait, c'est un jeu qui me ferait confiance. Je trouve que les jeux font pas assez confiance aux joueuses, en règle générale. De quelle façon ce hobby vous a-t-il changé? Ah bah, je pense que depuis 25 ans que je le pratique, il m'a certainement changé en profondeur. Bah, je pense juste qu'il m'a suffisamment passionné pour que j'ai envie de quitter un travail salarié qui m'intéressait pas pour vivre de ma passion un temps plein. Et je sais que là où ça m'a profondément changé, c'est que même si un jour j'arrête le jeu de rôle, j'aurai dorénavant ancré en moi cette envie de consacrer mon temps à faire ce qui est vraiment important pour moi et non pas juste gagner ma vie. Le nom le plus fou de personnage que vous ayez vu. Ah oh là, j'en ai vu des noms à la con. Je Joker. Décrivez l'évolution de votre expérience de jeu. Moi, j'ai commencé par HeroQuest, hein, donc c'était vraiment du pur porte-monstre trésor. Hein, c'était plus un jeu de société qu'un jeu de rôle. Hein. Un jeu de société inspiré des porte-monstres trésor. Après, j'ai fait Warhammer Quest. On pourrait presque dire que c'était un wargame inspiré des porte-monstres trésor, mais qui s'ouvrait vers le jeu de rôle. Puisqu'il y avait des règles avancées qui permettaient de rendre les choses un peu plus rôlistiques. Après, j'ai découvert l'Appel de Cthulhu, donc c'est mon premier vrai jeu de rôle. Et puis à partir de là, ça a explosé. J'ai découvert plein plein de jeux à travers les personnes qui pratiquaient le jeu de rôle, qui m'ont fait découvrir une myriade de trucs. Et après, je dirais que la grosse révolution qu'il y a eu plus tard, c'est quand j'ai découvert le blog de Frédéric Saintès, Limbic Systems. Et puis, ouais, surtout ça, quoi. Après, j'ai découvert qu'on pouvait faire du jeu de rôle de plein de façons différentes. Et ça m'a invité à proposer moi-même des jeux de rôle qui soient différents. Et d'ailleurs, même assez différents de ce que propose Frédéric Saintès. De câlin? Tu veux un câlin, mon loulou? Mais ouais, comment pourrais-je te refuser un câlin? Ouais. Est-ce que tu veux une banane? Une nana? Tu sais pas si tu veux une banane? Bon, on fait d'abord un câlin. Nana ou pas? Chut, une nana? Hop. Une banane, c'est trop bon ça. Femme, tu vas pas manger après. Ouais, bah non, je te prive de banane parce que dans une demi-heure, tu vas avoir du loulou. Ouais, dans une demi-heure, bientôt. Pas tout de suite, d'accord? Banane ou... Bon, allez, tant pis. Je pense que tu mangeras pas trop. Allez, tac. Alors, question suivante. Ah oui, j'ai inversé, j'ai répondu à la 13 et pas à la 12. Donc la 12, c'était le concept le plus fou de personnage que vous ayez vu. Alors, je me rappelle, bah si, si, c'était quand j'ai commencé à appeler Cthulhu, on a fait une longue campagne qui est devenue, au bout d'un moment, très très épique et je pense sans doute très éloignée des standards de l'appel de Cthulhu. C'était plutôt de la SF cosmique. À la entre mélange entre Philip K. Dick et Druillet au bout d'un moment quoi. Et il y avait un personnage qui s'appelait Robert Onoghan qui était joué donc par un copain, enfin un gars, enfin le copain en question c'était vraiment un gars brillant, une intelligence vraiment ultra foisonnante. Enfin il était limite difficile à suivre tellement il foisonnait d'idées et donc il avait mais c'est aussi un entre guillemets un incurable gros bill Et vous savez, le pire des gros builds, c'est-à-dire pas celui qui a gros build parce qu'il s'est monté les caracs de son perso, j'en avais un autre à ma table, ça on peut encore savoir comment contrer, mais un gros build parce qu'il séduit le MJ, enfin en l'occurrence c'était moi le MJ, dans le sens où il arrive à avoir tout ce qu'il veut en fait, et donc à se procurer, à augmenter son pouvoir, mais par la narration, tu vois, parce que il fait des trucs dans la narration qui fait que ça augmente son pouvoir, son influence, tout ça. Et donc c'était au départ un rat de laboratoire qui travaillait dans une entreprise de cosmétiques. Et c'est devenu une espèce de généticien fou, inspiré de Destinova. Destinova, c'est généticien dans l'anime cyberpunk Gunem. Ouais, une espèce de généticien fou qui a commencé par créer des Shoggoths et ensuite il a créé tout un tas de trucs. Il était devenu super bourrin. J'avais réussi à pas tout à fait le tuer, mais à l'amoindrir, il n'y avait plus que sa tête en fait. Et il s'est retrouvé dans les espèces de déchetterie spatiale dans la confins des mondes. Et ensuite il a réussi à inverser la vapeur. Il est devenu une entité de. Totipotente, indestructible, il avait un double, en fait son double dans le futur, 40 000 ans plus tard, qui avait une espèce d'empire génétique à travers les galaxies, donc qui était un peu la némésis de tout le monde, s'appelait Conquistador, son double. Enfin, on a tout fait avec ce personnage, on a vécu des aventures complètement dingues, et je pense qu'il a marqué tous les autres personnes à la table de jeu, quoi. On a joué pendant 4 ans en commençant IRL, puis ensuite en jouant par forum. Décrivez un échec qui est devenu étonnant. Alors, enfin, c'est pas, c'est, je réponds peut-être pas tout à fait à la question, mais je dis ce qui me vient à l'esprit en premier. Là, j'ai fini une campagne de Donjons et Dragons première édition que j'ai faite avec des collégiens en médiathèque. C'était vachement rigolo. Et donc, j'avais créé le prétexte de jeu, c'était qu'il y avait une fondation qui ça se passait sur Terre de nos jours. Et c'était une fondation qui recrutait des aventuriers de différents mondes, y compris des mondes de fantasy, quoi. Et donc c'est expliqué que en fait, les personnages, que c'était des guerriers, des prêtres et des mages, venaient de différents mondes de fantasy, mais ils y agissaient dans le monde réel, quoi, avec des technologies tout à fait actuelles. Et donc il y avait tout un tas de one shot, enfin une succession de missions avec des thèmes différents qui étaient réclamés généralement par la table. Hein. Donc à un moment ils voulaient des aliens, donc je remettais des aliens. Après ils voulaient des zombies, je remettais des zombies. Ils ont voulu des dinosaures aussi. Et là c'était moi qui avais le choix du thème. Et donc je le remix, ils ont enquêté sur un marché de Noël, un village de Noël où il y avait des disparitions inquiétantes. Et en fait, c'était normal parce que ce village de Noël, c'était une couverture pour une réunion annuelle de serial killer. Ça, c'est inspiré d'un épisode de Sandman, pour info. La convention annuelle des serial killers. Et donc, il y a un des PJ, enfin un jeune en fait, il est toujours la Scoomoon. Et notamment, il se fait attirer par un Père Noël qui dit « Viens visiter mon igloo ». Donc, il se fait entraîner par le Père Noël, auquel il fait pleinement confiance, sauf que le Père Noël est un serial killer. Il l'attache à un tabouret de torture et il lui tronçonne un bras, quoi, avant d'être éliminé par un autre joueur, quoi. Donc, voilà, du coup, on a un perso hyper amoindri avec un bras en moins. Je crois même deux bras en moins. Je crois même qu'il avait plus de bras du tout. Ouais, plus de bras du tout, mon loulou. Tu finis pas? Bon bah je vais manger alors si tu finis pas. Et donc, ce perso, il arrive... Il continue ses aventures avec deux bras en moins, quoi. Et donc, ils arrivent dans une salle des fêtes où il y a une trentaine de serial killers, ni plus ni moins, qui sont réunis dans la salle des fêtes. Avec plein d'armes, tu vois, disposées un peu partout. Il y a une baignoire d'acide, des grenades et tout. Et donc le perso manchot, il dit à un autre perso, vas-y, mets-moi une grenade dans la bouche. Et donc, ou un bâton dynamite. C'est un bâton dynamite. Mets-moi un bâton dynamite dans la bouche. Il jette le bâton de dynamite, il jette le dé, échec, succès critique. Succès critique. Alors l'échec, c'était quand il s'est fait couper les bras, quoi. Là, succès critique. Et du coup, j'ai écrit, ouais, ton bâton de dynamite tombe dans la baignoire d'acide, donc il y a une explosion d'acide qui tue 15 serial killers d'un coup. Donc là, le jeune, il était trop content, mais franchement, on était tous heureux pour lui. Il avait fait, je me rappelle, il avait fait un dab et tout. Puis enfin, nous, on était tous à fond. C'était un super moment de JDR. Ah oui, comme quoi je fais pas que des JDR cérébraux et intimistes. J'ai aussi des trucs fun. Décrivez une expérience de jeu délicate que vous avez appréciée. Clairement, c'était un mini-GN Milvo inspiré de mon jeu Ho'oponopono où on joue une famille dysfonctionnelle qui effectue un rituel de guérison. Donc là, on l'avait fait en GN, on était allé en forêt. Moi, j'étais déguisé pour l'occasion avec un treillis militaire que j'avais enterré pendant 15 jours dans la terre, quoi. J'ai choisi de jouer un perso avec un passé hyper dur. Et d'y aller à fond dans l'émotionnel. On avait fait des ateliers avant quand même pour se préparer. On avait des safe words, on s'était couvert quoi. Mais du coup, moi, quand on était couvert, j'y suis allé à fond dans l'interprétation du personnage. Puis je pense que tout ça a donné le ton. Tout le monde s'est vraiment donné à fond dans un registre différent pour pour chacun et chacune quoi. Et ça a donné une partie inoubliable. Il y a un moment, enfin, je me suis mis à pleurer, mais vraiment, c'est le perso qui pleurait, enfin, tu vois, ça m'a tiré les larmes moi-même. Enfin, c'était vraiment, ouais, c'était ultra fort. Tu vois, pour le coup, c'est le seul GN nordique que j'ai jamais fait, mais j'ai trop envie de refaire, quoi. C'était vraiment génial. Alors que vraiment, on était avec des thèmes lourds, c'était cool. Alors, décrivez vos plans pour votre prochaine partie. Alors, ma toute prochaine partie, ça va être à Diantre du jeu. Et je crois que je vais faire une partie du témoignage. Donc, c'est un de mes jeux où on joue des personnes confrontées à une beauté, une horreur ou un mystère qui les dépasse. Et j'ai pas de plan, on va juste suivre la procédure du jeu. Donc, tout va être vu vraiment en concertation avec le reste de la table. J'avoue que les différents tests des témoignages que j'ai faits, j'ai quand même pas mal ancré, j'avais mis pas mal de souhaits. Donc là, j'ai vraiment envie de m'appuyer sur l'équipe. Je sais qu'à chaque fois, c'est une expérience forte, les témoignages. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je trouve que c'est génial parce qu'on a une expérience forte alors qu'on ne s'est pas préparé, quoi. Mais ce côté jouer des témoins et non pas des acteurs, ça renverse vraiment les sentiments de jeu, donc c'est ça qui est cool. Hop. Le meilleur compliment que l'on vous a fait durant une partie. Bah, le compliment qu'on me fait souvent, mais c'est pas vraiment un compliment parce que ça m'embête, c'est qu'on me dit que, entre guillemets, je suis le meilleur MJ de mes propres jeux. Ça m'embête parce que j'ai l'ambition que mes jeux puissent fonctionner sans moi, entre guillemets, quoi, hein, qui permettent d'avoir une aussi bonne expérience que si j'étais pas là. Donc un compliment entre guillemets qui n'enlève rien à mon game design, c'est partie de l'Horloge du Diable où j'étais joueur, donc c'était vraiment pour la découverte quoi. Et je jouais un perso qui a fait son coming out en faisant une déclaration d'amour à un autre perso, sachant que c'était hyper risqué pour lui de le faire quoi, mais il l'a fait quand même. J'ai essayé de capter l'émotion du perso, de le jouer, on va dire, aussi justement que je pouvais. Et c'est vraiment le MJ qui a signalé, tu vois, un petit moment, ah là, le moment est intense et tout. Une petite remarque pour montrer qu'il adhérait au truc. Ça m'a fait plaisir, d'autant plus que j'ai pas forcément eu, je savais pas ce que ressentaient les autres. Donc il y a au moins le MJ qui fasse cette remarque, un peu méta. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ah, comme quoi, bon, il faut pas jouer trop le public parce que ça fait trop méta et parce qu'on perd le truc de jouer dans l'instant, mais je pense que de temps en temps ça souligne, ça fait du bien, ça renforce le côté social d'une partie, quoi. Ah, mon loulou. Ouais. Alors, question suivante. L'art visuel qui inspire vos parties. J'essaie de faire de l'art qui soit inspirant avec mes photomontages, mais moi, mes sources d'inspiration visuelle, ouais, je dirais que c'est essentiellement Gustave Doré, quoi. Les gravures de Gustave Doré. Hop, on va sortir les voitures dans le salon, parce que si on joue voiture dans la chambre, on va y avoir des parasites. Ça va pas être bon pour le podcast. Ouais, mon louloutre. Alors, question suivante. La musique qui inspire vos parties? Bah, vous savez que la musique, c'est super important pour moi. Vous pouvez retrouver toutes les playlists que j'ai faites pour mes jeux. Dès que j'en ai l'occasion, effectivement, je passe de la musique en partie. Allez, je dirais que si je devais citer un genre, alors bon, vous savez aussi que j'écoute quand même beaucoup de genres différents, mais un genre qui me porte quand je maîtrise, c'est le doom metal, clairement. Guitare lourde, saturée, très très lente et un chant guttural profond. Ça me met vraiment en transe, quoi. Donc pour des parties un peu cthouliennes, c'est vraiment chouette. Et je pense, ouais, que c'est la musique qui fait finalement le plus d'effet sur moi, quoi. Les autres, c'est plus pour tapisser. Là, c'est vraiment un truc, quoi, qui me fait voyager, quoi. Hop. Quelle mécanique inspire votre jeu le plus? Oh bah essentiellement tout ce qui est mécanique de tirage de thème, quoi. Enfin, toute mécanique qui m'amène de dire eh ben, tel champ lexical, tel élément d'univers, tu mets ça en jeu, quoi. Pour mes propres jeux, bah, c'est utiliser l'almanach, hein, donc mon calendrier avec plein de petites poésies dans l'univers de Milvaux. Pour Inforenza, c'est les tirages de thème. Inforenza Minima, c'est les symboles. Voilà. Mais ça pourrait être. J'utilise pas, mais si j'utilise d'autres jeux, des trucs comme les cartes Imagia, du Grumph. Enfin, tout, rien, les, tous les petits trucs qui amènent de l'univers, de l'inspi narratif, quoi. Quelle mécanique de dés vous plaît? Moi, j'ai toujours eu un faible pour les boîtes de dés. Ouais, je trouve ça kiffant, jeter des boîtes de dés. Quelle mécanique sans dés vous plaît? Alors, il faut que la mécanique sans dés, elle soit pas trop discrète. Enfin, c'est-à-dire qu'elle ait un vrai impact, en fait. Qu'elle soit pas trop en retrait. Pour quel jeu gardez-vous l'espoir d'y rejouer? Donc, si je comprends bien la question, c'est un jeu auquel j'ai arrêté de jouer, mais que je garde l'espoir d'y rejouer un jour. Un jeu que j'ai arrêté de jouer. Allez, je dirais. Je pense que dans la liste. Ah bah si, c'est HeroQuest, clairement. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, c'est de refaire toutes mes quêtes d'HeroQuest avec mon petit, et bah, quand il aura l'âge, quoi. Dès qu'il sera assez grand, on s'y mettra. Ça, c'est vraiment un rêve, quoi, un rêve de parent. J'espère qu'il aimera. Selon vous, quel JDR mériterait plus de reconnaissance? Bah, je dirais plutôt que. Ouais, allez, si. Si je répondrais du tac au tac, je dirais Innommable de Christophe Beuclet. Et après, je pense surtout qu'il y a beaucoup de JDR qui mériteraient moins de reconnaissance. Enfin, il y a plein de JDR qui sont trop joués, ce qui fait qu'on joue pas assez aux autres, quoi. Donc, juste que les choses soient un peu plus lissées, quoi. Un jeu qui a eu un impact sur vous ces 12 derniers mois. Alors, ces 12 derniers mois, un jeu qui a eu un impact sur moi. Je pense que c'est Cthulhu Dark. Avec cette idée de prendre des risques, que tu rajoutes des dés en plus, mais du coup tu prends des risques. Ça m'a inspiré pour Groin, ça m'a inspiré pour l'empreinte. Et quand j'ai rejoué avec ma petite sœur, ça m'a rappelé mes vieilles parties de l'Appel de Cthulhu, mais en plus simple, en mode YOLO, quoi. Bon, non, ceci dit, je suis un peu trop gentil avec Cthulhu Dark, le vrai jeu qui m'a clairement drivé pour ces doutes à moi, c'est Sword and Wizardry, donc le hack de Donjons et Dragons première édition par Matthew Finch. Donc c'est la brique de base de l'Old School Renaissance. Ça m'a débloqué pour Écorce, et j'ai aussi joué à Sword and Wizardry. Enfin, quand je dis que je joue à Donjons et Dragons première édition, en réalité, je joue à Sword and Wizardry, qui a le mérite d'être en français, d'être plus digeste que Donjons et Dragons première édition, mais grosso modo, c'est les mêmes règles. C'est vraiment génial. Votre ambition rôlistique pour les 12 prochains mois? Allez, j'aimerais bien. Pour les 12 prochains mois, ce qui serait cool, c'est que je sorte au moins un gros jeu. C'est-à-dire un jeu qui fait au moins 100 pages. Ça pourrait être Arbre ou Marche-Branche. Je crois que c'est les. Ou alors Inforenza 2e édition. Les trois. Je pense que c'est les trois meilleurs candidats. Et puis faire une campagne d'Écorce aussi. Vraiment avec des joueurs fixes et tout. J'ai planifié ça, je vais retourner en association. Et donc j'espère que ça va se faire. Partager une bonne partie en ligne ou un stream. Ah bah clairement, mon gros coup de cœur, c'est les actuels plays Danger et Décision, hein, donc sur la chaîne YouTube d'Éric Nieudan. Donc c'est que des piliers de la scène old school Renaissance française, francophone. Qui joue à divers jeux old school Renaissance. Et là, on voit vraiment comment ça fonctionne. L'équipe est super rigolote, l'ambiance est détendue. Il y a eu 6 ou 7 parties. Elles sont toutes très différentes, ça va du très délirante aussi. Enfin, je suis un gros producteur d'actual play. Je suis assez peu auditeur d'actual play parce que j'ai du mal à m'intéresser aux actual play des autres. Danger et décision, j'ai dévoré. Partagez une chose inspirante pour laquelle vous avez de la gratitude. Une chose inspirante pour laquelle j'ai de la gratitude. En JDR. Affichtre. Si le comment l'article sur le débriefing que Macalice a fait sur le blog C'est pas du JDR. Donc elle liste. Moi je fais du débriefing à chacune de mes parties, mais assez souvent ça se passe mal. Enfin, non, émotionnellement parlant, on va dire quoi. Ça se passe pas toujours comme je voudrais. J'en ressors des fois un peu peiné ou avec l'impression d'avoir raté quelque chose, voire même que le débriefing a fait qu'on se sentait plus mal après la partie que si on n'avait pas débriefé. Et donc, elle fait une énorme. Macalice fait une énorme synthèse de techniques de débriefing. Alors, moi qui pensais être vraiment un vétéran du débriefing, j'ai appris plein de choses. Et ça va m'être énormément utile, notamment un truc tout bête, c'est commencer chaque débriefing par demander comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin. Commencer par la partie émotionnelle avant de parler des histoires de guerre et du game design. Partagez une amitié que vous devez au JDR. Bah, franchement. Clairement, la plupart de mes amitiés, je les dois au JDR, quoi. Ça m'est un peu compliqué de citer une personne en particulier, même sous couvert de l'anonymat. Donc, je vais plutôt parler d'un vrai moment d'amitié rôlistique. Ça a été le gîte Milvaux, quand on s'est réunis à une grosse quinzaine dans un gîte pour jouer pendant 2 jours. C'était vraiment génial. Le seul regret que j'ai eu finalement, c'était que ça dure que 2 jours et pas une semaine, parce que évidemment, il y a des personnes avec qui j'aurais voulu encore plus parler, mais j'ai quand même eu le temps d'échanger avec un maximum de gens. Les personnes invitées, c'était que des personnes que j'adorais, quoi. J'ai vraiment eu de la chance qu'elles puissent être là. C'était un grand moment. Partagez quelque chose que vous avez appris en jouant votre personnage. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre en jouant? Je pense que je parle trop. C'est ça que j'ai appris. Et partagez pourquoi vous participez à RPG Day. Bah parce que j'adore parler de jeux de rôle. Voilà, donc en fait tous les prétextes sont bons et celui-là et ben c'est un très bon prétexte. Allez, on est un peu fou et on fait les questions alternatives. Personnage mis à la retraite le plus mémorable. Un personnage que j'ai mis à la retraite. Ben, je sais pas si j'ai mis à la retraite beaucoup de personnages. Je crois que c'est jamais arrivé. Il y a des personnages qui ont survécu à la campagne parce que la campagne a été avortée. Ça arrivait souvent. J'appelle pas ça une retraite. Donc, un personnage que j'ai mis volontairement à la retraite, c'est un personnage dont j'ai provoqué le suicide. Il s'est jeté sous un train. Parce que j'avais dit qu'il était suicidaire. Enfin, je m'étais dit ça dans ma tête. Et il s'est jeté sous un train. Bah voilà, c'était mémorable. Lui, c'était sa seule façon de se mettre à la retraite. L'idée de campagne la plus ambitieuse que vous ayez accomplie. Je pourrais citer des vieilles campagnes qui ont été longues et ambitieuses. Mais je vais citer un truc plus récent. C'était la campagne des Selles de Milvaux, donc un jeu où on joue des alchimistes dans l'univers de Milvaux, un jeu de Johan Calamé. L'ambition de ce type de campagne est vraiment importante puisque l'idée c'était on joue un couvent d'alchimistes et ils veulent trouver rien moins que la pierre philosophale quoi. Donc et on a fait cette campagne. Bon, spoiler, ils ont eu des petits problèmes en chemin donc ils n'ont pas trouvé la pierre philosophale. Mais c'était génial. En plus, j'étais hyper content de ma ville de jeu qui était la ville de Prague. On en a fait un endroit vraiment halluciné. Vous retrouvez hein, les Selles de Milvaux sur ma chaîne YouTube, il y a aussi les comptes rendus sur le forum de Terres étranges. Le jeu le plus innovateur des 12 derniers mois. Un jeu de. C'est un pico-jeu de Valentin et Tounir, je crois qu'ils sont deux dessus. C'est un jeu, tu joues en Living Action, quoi, enfin en GN, quoi. Tu sais, tu joues un rendez-vous entre deux personnes. Et il y en a un à qui on donne un billet oui/non. Et en fait, il choisit un des billets face cachée, sans dire à l'autre, il détruit l'autre. Et donc, ces personnes ont ce rendez-vous, elles discutent et tout. Et à la fin, on décide si elles repartent ensemble. Entre guillemets, donc si la relation a été pérennisée. Et ensuite, la personne qui avait pioché le ticket oui/non révèle comment révèle la réponse. Si elle a répondu oui, c'était qu'elle était une personne de confiance. Si elle a répondu non, c'est qu'elle n'était pas une personne de confiance. Je pense que c'est un jeu tout simple qui doit être hyper intense. Que ce soit du côté, enfin, quand tu joues la personne qui éventuellement peut être la proie d'un prédateur, ça donne une tension monstrueuse. Quand tu sais pas si en face de toi t'as une personne cool ou une personne indigne de confiance. Puis pareil de l'autre côté, ça, enfin, très ouais, intense, assez hard en fait, en termes de sécurité émotionnelle aussi. Mais ouais, je trouve vraiment tout simple, renversant quoi. Partagez la fois où vous avez fait jouer un personnage temporaire. Alors j'ai fait jouer plusieurs fois des personnages temporaires, hein. Ne serait-ce que parce que le perso venait de mourir et donc il y avait perso de rechange. Hein. Bon, c'est déjà arrivé une fois ou deux à Sombre. Hein. Bon, là, j'ai rien inventé, j'ai vu Johan le faire. Donc j'ai juste Johan Scipion le faire, j'ai juste reproduit. C'est toujours rigolo quand le personnage temporaire que tu fais jouer, c'est un chien, quoi. Bon, bah, la seule chose qui reste à jouer, c'est un chien enragé. Bah, tu peux juste mordre les autres. Bon, c'est rigolo que 5 minutes, mais pendant 5 minutes, c'est rigolo. Partager l'évasion d'une situation la plus serrée. Ah, c'est pas facile pour moi de répondre parce que je fais quand même jouer assez peu de trucs tactiques. Et pour tout dire, j'ai rarement vu des groupes porter sur l'évasion. Hein. C'est souvent, on a un problème, on détruit l'adversaire et après on se barre. Mais c'est pas une évasion parce que tout le monde est mort, quoi. Si, quand même, j'ai un rappel d'une partie rat de laboratoire, une partie de grogne, où les persos essayent de s'échapper en fait d'un laboratoire où ils ont été victimes d'expériences, de torture et tout. C'était super intense, à la fois au niveau tactique et au niveau moral. Ça, c'était vraiment chouette. Oh, une tuture et des câlins. Tu veux une voiture et des câlins. Je peux t'offrir les deux. Comment préparez-vous une partie unique? Honnêtement, ma meilleure façon de préparer une partie unique, c'est de préparer un jeu, quoi. De préparer un jeu qui propose des parties uniques. Ah oui, alors, je pense que la traduction est un peu est pas bonne. Je pense que c'est plutôt comment vous préparez un one shot, quoi. Bah, d'expérience, j'ai l'impression que. À part pour des expériences très précises, mais. Moi, je suis pas trop pour préparer des one shots. Comment préparez-vous une campagne à long terme? Moi, je fais une feuille de route. C'est une liste d'envies, de scènes, de personnages, de rencontres, d'événements que je mets les unes à la suite des autres. Éventuellement, des fois, je sépare en colonnes, une colonne par personnage, parce que j'estime que la scène est plus orientée vers un personnage. Et donc, ça me fait une liste un peu bordélique et tout, et je les coche au fur et à mesure pendant la partie, ça nourrit mon improvisation. C'est des scènes que j'ai un peu imaginées dans ma tête, même si j'essaie quand même de laisser de la place à l'émergence. Et donc, au moment où ces scènes se produisent, bon, leur effet est quand même pas mal, parce que moi, dans ma tête, j'ai quand même déjà des descriptions, je sors des trucs fort plus facilement, quoi. Quel est votre thème préféré de personnage? Alors, si c'est un thème musical, ce serait The Ecstasy of Gold d'Ennio Morricone que j'ai utilisé pour le grand méchant de ma campagne de Warsaw. Donc, le truc hyper héroïque pour un perso qui était vraiment une raclure, un petit peu à la. Vous savez, le mec dans Inglourious Basterds, là. Bah voilà, un peu le même style. Donc il avait cette musique de générique complètement western, complètement grandiloquente, qui collait pas du tout avec le fait que c'était un connard fini, mais un connard mielleux, quoi. Connard, désolé, c'est une insulte oppressive, on va dire une raclure. Et si c'est vraiment un thème de personnage dans le sens un style de personnage. J'essaye de changer de style de personnage à chaque partie. Ouais, mon loulou, je vois que tu veux jouer. Donc, dernière question, qu'est-ce qui vous pousse à être maître de jeu? Sans doute que c'est le poste qui justifie que je sois super bavard. Allez, je vous remercie beaucoup pour. Moi, j'ai très envie de savoir quelles sont vos réponses à RPG A Day. Alors, bon, sauf si je sais, ça se trouve, peut-être que je vais poster le podcast. Vraiment tard et que ce sera plus tout dans l'actualité. Mais bon, voilà, je trouve que c'est des petites questions comme ça. Moi, ce que je rêverais, en fait, c'est de. Même quand on est dans un chat, là, Des fois, on est en chat Discord et on sait pas trop de quoi parler, juste qu'on veut parler de jeux de rôle. Ça tourne un peu en boucle par moment, et je pense que se faire comme ça le RPG A Day, discuter entre nous, ça peut être super rigolo, quoi. Voilà, faut que ça continue ces petits projets-là, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Salut!